À vivre dans la jungle, une existence paisible, nous nous sommes engourdis à 75%. Les écrans nous aveuglent de leur lueur pénible, risque d'euthanasie avant 45 ans. Et quand les voisins nous invitent à leur pique-nique dominical, avec un sourire insolite, ça va être spécial, ça va être spécial. Machine, on danse lourdement entre les éclairs blancs, des reflets ébréchés, des sourires carrés, on glisse des murmures, on marche sur vos pieds avec de grosses chaussures sans même s'excuser. Et la fête se termine, la vermine se débine, les rapaces harassés dans sa pack à danser, nécrophages costumés et bourreurs au long cours arrivent pour condamner les issues de secours. Pas moyen de faire autre chose pour occuper son temps. Les séances à l'eau de rose nous font grincer des dents. On aiguise nos tenailles, on se cure les ongles. Et puis vaille que vaille, on repart dans la jungle. Quelle vie dans la jungle, c'est le monde à l'envers. Si on n'est pas dingue, on vous regarde de travers. Quelle vie dans la jungle, c'est un monde amusant. Où plus on est dingue et plus on est content. C'est un peu compliqué, même si t'es d'accord, faut pouvoir t'adapter. Petit sourire tranquille, derrière la cuirasse, nous restons immobiles, comme figés dans la glace. Gestes automatiques d'un ballet robotique, tout s'effondre et se ruine, rongé par les machines. Et pour échapper au carnage de ce pique-nique démoniaque, il suffit de tourner sa veste. C'est vraiment très spécial, c'est vraiment très spécial. Sur les chines, nos muscles liquéfiés ne veulent plus fonctionner, maculés de terre glaise en une valse tragique. On décède à l'anglaise sur cette céramique où s'écoule tranquille nos fantômes fragiles. Les vampires hallucinent, rêvant de mort violente, étouffés dans la fiente. Nymphomanes agardes, satin, cuir et nylon, la raison se lézarde, les lézards ont raison. Sur les écrans livides, des visages avides nous invitent à nouveau à lacérer la peau des victimes perverses que le plaisir traverse en grincements aigus, en spasmes inconnus. Quelle vie dans la jungle, c'est le monde à l'envers. Si on est... loups, plus on est dingue et plus on est content. Quelle vie dans la jungle, c'est un peu compliqué. Quelle vie dans la jungle, c'est un peu compliqué. Même si t'es d'accord, faut pouvoir t'adapter. Même si t'es d'accord, faut pouvoir t'adapter.